Chapitre 10e. 2 mois s'étaient déjà écoulés, et Henlow n'était pas encore de retour. Sa mère avait laissé les affaires de la famille dans un grand désordre. Les deux frères du baron connaissaient son caractère loyal et désintéressé. Ils s'en rapportaient à lui, tant pour le partage de l'héritage commun que pour le règlement de divers comptes très embrouillés qu'ils avaient entre eux et auxquels il était étranger. Ils l'avaient donc constitué arbitre de leurs différends. Henlow avait accepté cette tâche par dévouement, mais la prolongation de son séjour en Alsace était pour lui un grand sacrifice. « Il est décidé que notre patrimoine sera vendu pour arriver à une liquidation », écrivait-il à Faustine. « C'est une mesure nécessaire, mais qui va entraîner bien des lenteurs et me retenir ici jusqu'au printemps. Il faut donc nous armer de patience, ma chère Innie. Au printemps, ma liberté me sera rendue, et elle me sera d'autant plus douce que je l'aurai plus chèrement achetée. La conscience que j'ai du grave devoir que je remplis me soutient dans cette douloureuse épreuve, car c'est un devoir qui m'est imposé par l'honneur et la justice. Je dois à mes frères, je me dois à moi-même de l'accepter. Refuser serait d'un lâche, et vous ne voudriez pas que je méritasse ce nom. N'attendez point de moi que je vous rende compte de mes travaux et de mes démarches. Ces détails vous rebuteraient. Laissez-moi vous parler de ce qui m'intéresse bien davantage, de vous, dont la douce présence m'est refusée, de vous, qui douée de toutes les perfections dont la main de Dieu puisse combler une mortelle, réalisez à mes yeux ce qu'on nous dit des anges. Je vous aime, Faustine, non pas seulement parce que vous êtes belle, non pas parce que vous réunissez les grâces de la beauté et les dons de l'esprit, mais aussi parce que c'est un bonheur et un besoin pour moi de vous aimer, et qu'il me semble obéir en cela à la volonté de Dieu lui-même et à ma destination spéciale. Mon amour m'est sacré, je m'y plais, je m'y abandonne, je m'y trouve heureux. C'est l'asile où je viens me réfugier pour échapper aux chagrins et aux déceptions de cette vie. C'est la source où je puise un nouveau courage, des idées plus pures, de plus fraîches croyances. Aimé de vous, Faustine, et sentant combien je vous aime, je suis fort et je marche d'un pas ferme dans ma route. Votre image m'embellit toute chose et l'objet le plus indifférent, s'il me rappelle un souvenir de vous, acquiert aussitôt pour moi un intérêt suprême. Ah, que les femmes ont sur la destinée de nous autres hommes une influence effrayante. Nous sommes plus dans leur dépendance qu'elles ne sont dans la nôtre. Elles décident du bonheur ou du malheur de notre vie. Notre vie elle-même ne nous appartient pas. Elles en sont les arbitres, car l'amour qu'elles nous inspirent est un poison subtil qui corrompt notre existence ou un suave parfum qui l'embaume. Les femmes, malgré leur vanité, ne veulent point convenir qu'elles possèdent cette influence souveraine. La responsabilité qui en résulte pour elles leur fait peur, mais ce n'en est pas moins une vérité attestée par 1000 exemples. En voici encore un qu'il faut ajouter à la liste de ceux que l'on connaît déjà. Un paysan du village près duquel est située notre résidence était sur le point de se marier avec une jeune fille qui, après de longs refus, avait enfin consenti à cette union. Le bruit courait qu'elle en aimait un autre. Sa pâleur et son air de tristesse donnaient une certaine créance à cette rumeur qui, d'ailleurs, ne reposait sur rien de positif. 3 jours avant la noce, les deux fiancés se rendirent ensemble à la ville voisine pour faire quelques emplettes. Ils furent accostés par un jeune soldat à moitié ivre qui, se plaçant devant eux, apostropha le paysan et lui adressa de grossières railleries sur son prochain mariage et sur le sort inévitable qui lui était réservé. Le village ne connaissait point ce soldat, comment donc se faisait-il qu'il en fût connu? La jeune fille n'était pas en état de fournir une explication, car au premier mot, elle avait pâli et elle paraissait près de s'évanouir. « C'est un infâme mensonge !» répliqua le paysan qui tremblait de colère. « Retirez-vous, faites-nous place !»« Un mensonge !» reprit le soldat qui continuait de leur barrer le passage. « Un mensonge !» répéta-t-il avec un rire et un geste moqueur. Aussitôt, sans répondre un seul mot, et par un mouvement aussi rapide que l'éclair, le paysan saisit un couteau qu'il portait dans sa poche, le plongea 3 fois dans le sein de la jeune fille, et voulut tourner contre lui son arme ensanglantée. Mais on accourut et on lui arrêta le bras au moment où il allait se frapper. La jeune fille est morte en déclarant qu'elle méritait son sort et qu'elle n'était plus digne de celui qui voulait l'élever au rang de son épouse. Le soldat, revenu de son ivresse, a affirmé par serment qu'il n'avait eu aucune relation avec la victime, qu'il ne connaissait pas le meurtrier et qu'un camarade, dont il refusait de dire le nom, le lui avait désigné. Toute cette affaire est fort obscure, l'on ignore comment elle se terminera. Mais elle nous montre un de ces exemples où éclate la violence d'un amour porté à l'excès, à la seule idée d'avoir été trompé ou de pouvoir être trahi par la femme qu'il adorait. Cet homme l'a tué et a voulu se tuer lui-même. Cette image a bouleversé son cerveau. Il a été saisi subitement d'une folie furieuse et il a frappé. Aujourd'hui, nul n'ose le condamner. Tout le monde le plaint et l'excuse, tant il est vrai que son action se conçoit facilement et que chacun de nous, dans un cas donné, pourrait la commettre. Quoi qu'on en dise, Faustine, il est encore des amours profonds, des amours passionnés. Malheur à celle qui les inspire, si, n'appréciant pas le bonheur suprême d'être aimée ardemment, uniquement, elles changent au gré de leurs caprices, faisant partout des victimes et risquant d'être elles-mêmes victimes de leur inconsistance. Malheur à ceux qui les ressentent. Si le cœur où ils ont mis toutes leurs espérances et toutes leurs joies se ferme pour eux ou se livre à un autre, ce que je ferai en pareille circonstance, je ne le sais. Mais je sais qu'on doit épouvantablement souffrir. Pour moi, en fait de trahison, mieux vaudrait la certitude que le doute. Mais mieux vaudrait la mort que la certitude d'être trahi. Mais c'est trop insister sur ce triste sujet. Adieu, Inie, adieu, tout ce que j'aime. Mon cœur a foi dans le vôtre. Quand j'accueille un moment des idées dans le genre de celles qui précèdent, c'est pour le plaisir d'avoir peur et pour savourer ensuite le bien-être délicieux de la sécurité. On se plaît à contempler du rivage les navires battus de la tempête. Pourtant, Inie, ne faites pas que je voie le danger de trop près et que j'en vienne à m'effrayer pour tout de bon, car j'aurais trop peur. Lorsque Faustine reçut cette lettre, elle s'occupait avec ardeur de musique et de peinture. Ses livres lui procuraient d'agréables distractions. Son esprit et son imagination avaient un aliment. Elle n'avait pas le temps d'éprouver l'ennui. Cependant, ce n'était qu'un état passager de surexcitation. Elle comprenait qu'il lui serait impossible de soutenir 3 mois de plus ce genre de vie. Ses forces physiques l'abandonnaient peu à peu, et les ressorts de son âme, pour être trop tendus, commençaient à se fatiguer. Elle sentait qu'elle allait retomber dans cet ennui, dans ces vagues aspirations, dans ce vide d'existence qu'elle avait déjà éprouvé si souvent. Elle en devinait instinctivement le danger, et d'avance, elle craignait d'y succomber. Un soir, qu'après une longue séance consacrée à la peinture, elle s'était jetée sur un sofa pour y goûter un peu de repos, et que plongée dans sa rêverie, elle se laissait aller à une sorte d'assoupissement, elle entendit la porte de l'antichambre s'ouvrir et un bruit de pas crier sur le parquet. Une demi-obscurité régnait dans le salon où elle s'était retirée. Elle fit un mouvement pour agiter le cordon de la sonnette et demander qui était là, mais soudain, il lui vint à l'esprit que c'était Andlau qui, de retour de son voyage, méditait de la surprendre. Cette idée la remplit d'un trouble délicieux. Ses yeux se voilèrent, son cœur battit avec violence. Elle écoutait avec une fébrile impatience, retenant son souffle et respirant à peine. La porte du salon s'ouvrit doucement. Un homme entra en marchant avec précaution. Mais avant qu'il eût fait 2 pas dans l'appartement, Faustine, quoiqu'elle ne pût distinguer ses traits, savait déjà que ce n'était pas Andlau. Elle fut aussitôt debout, sonna un domestique et pensant avoir affaire à un de ses visiteurs habituels. « Est-ce vous, monsieur le comte de Kirchberg ? » demanda-t-elle. « Madame la comtesse, » balbutia une voix forte, mais tremblante d'émotion, et que Faustine reconnut tout de suite. « Clément Waldorf !» s'écria-t-elle au comble de l'étonnement. « Moi-même, madame, je... »« Quoi ? Vous, à Dresde ? Vous, chez moi ? Mais pourquoi ne pas vous faire annoncer ? J'ai demandé à votre femme de chambre si vous étiez chez vous et seule et... » « Vraiment ?» répliqua Faustine, en se remettant de cette secousse et avec un accent de bonne humeur. « Ce n'était pas tout à fait une raison pour être reçu. Je vois que l'étudiant de l'université d'Iéna est toujours le même. Mais soyez le bienvenu, et veuillez vous asseoir. Et que faites-vous à Dresde ?» En ce moment, un domestique apporta une lampe allumée qu'il plaça sur le guéridon. La lumière donnait en plein sur le visage de Faustine, qui, ce soir-là, était habillée d'une robe de satin noir, et dont les belles mains et le cou de cygne paraissaient encore plus blancs par le contraste du vêtement dont il se détachait. Cette robe allait à ravir à la comtesse. Elle relevait merveilleusement le charme ineffable de ses traits. Elle ajoutait au caractère idéal de sa beauté. Perdu dans une contemplation muette, Clément admirait Faustine, sans songer à répondre à la question qu'elle lui avait adressée. Elle fut forcée de la répéter. ce que je viens faire à Dresde ? » répéta-t-il en tressaillant, comme s'il se fût réveillé en sursaut. « Je connais ici d'anciens camarades, avec qui j'ai dessein de renouer amitié. D'ailleurs, ajouta-t-il, j'avais une autre raison pour visiter Dresde. « Monsieur Clément, » interrompit Faustine, « ayez la bonté de me passer la corbeille à ouvrage qui est près de vous. Vous m'excuserez de faire de la tapisserie tout en causant. » Clément, dont l'agitation était encore visible, quoiqu'il s'efforçât de la dissimuler sous un air cérémonieux, prit le panier que demandait Faustine, mais voulant sans doute se donner une contenance, au lieu de le lui remettre, il le retint sur ses genoux. Et sans attendre le consentement de Faustine, il commença une inspection détaillée des divers objets que renfermait la corbeille. « Un dé et des ciseaux en écorce de noix de coco, » poursuivit-il. « Ils sont d'un travail ingénieux et solide, trop solide même. Un flacon à odeur, un porte-crayon, un étui monté en argent. Tout cela est d'un goût élégant et riche. Un serre-aiguille en porcelaine. Ah, pour le coup, voilà qui est fort laid. » « Fort laid, » répéta Faustine, qui s'amusait beaucoup de cet examen. « Y pensez-vous, mais c'est une curiosité des plus rares. C'est dans le genre rococo. Pardon, » répondit Clément avec une bonne foi extrêmement plaisante. « Ce petit meuble vous vient sans doute de votre grand-mère et j'ai eu tort. Quelle ignorance pour un étudiant de l'université de Iéna !» interrompit la comtesse en riant. « Ne pas savoir ce que c'est que le genre rococo. C'est le genre le plus fashionable, le plus à la mode, le plus... « Bien, bien !» répéta le flegmatique Clément. « J'y consens pourvu que vous ne l'appeliez pas un genre joli et gracieux. » « Rococo, j'aime mieux l'antique. Parlez-moi de ce petit portefeuille en cuir de Russie pour vos cartes de visite. Ah, une lettre !» En prononçant ce mot, il se fit dans la voix de Clément une altération subite. La lettre dont il s'agissait était celle d'Andlau. Faustine, qui la relisait sans cesse, la gardait au fond de son panier à ouvrage. Clément l'y avait aperçu, il la désignait du doigt, sans oser y toucher ou même y fixer les yeux. Faustine avait pâli. « Une lettre, » reprit Clément après une pause et avec un soupir. « Heureux celui à qui vous accordez le privilège de vous écrire. » Faustine s'abstint de répondre à cette observation. Elle tendit la main pour redemander sa corbeille à ouvrage, et Clément la lui rendit enfin. Dès qu'elle l'eut reçue, elle s'empressa d'y ranger tout en ordre, de manière pourtant à ce que la lettre du baron fût de nouveau enfouie dans les profondeurs de sa cachette et mise à l'abri des regards indiscrets. Faustine avait procédé à cette opération avec un air d'indifférence bien calculé pour donner le change à Clément, mais celui-ci n'en fut pas dupe. Car, si elle avait dissimulé la lettre, elle n'avait pas su dissimuler entièrement l'émotion que cet incident lui avait causée. Il s'ensuivit un silence assez embarrassant. Heureusement, l'arrivée de Feldern rompit le tête-à-tête. Faustine, dans la joie qu'elle ressentait de sa présence, lui fit un accueil des plus affectueux. « Soyez le bienvenu, monsieur le baron, » lui dit-elle. « Je suis réellement charmée de vous voir. J'ai à vous annoncer que je prétends ne plus vivre en recluse, mais aller souvent dans le monde et recevoir mes amis. Et pour commencer, vous m'avez demandé à me présenter le comte de Meghan. Amenez-le-moi, je vous y autorise. »« Je vous remercie pour lui et pour moi, » répondit Feldern en s'inclinant. « Mais quel brusque changement d'humeur! Il y a 2 jours, vous refusiez. »« Sans doute, sans doute. Je refusais et aujourd'hui je consens. Caprice de femme. Et mieux encore, d'artiste. C'est le cachet du genre. Et à ce compte-là, si je ne suis qu'une pauvre dilettante par mon talent de peintre et de musicienne, je mérite par mes caprices d'être considérée comme une artiste de premier ordre. Je fais tout par boutade et par inspiration. » « Madame la comtesse, » répondit Feldern, qui, en présence d'un étranger, juge à propos de trancher du bel esprit. « Votre unité d'être ayant ainsi un double aspect devient doublement intéressante. « Ah, monsieur Feldern !» s'écria Faustine avec gaieté et en décochant un coup d'œil malin à Clément, qui ouvrait de grands yeux et regardait le nouveau venu d'un air peu bienveillant. « Voilà que vous parlez comme un docteur de l'université. Il paraît que c'est contagieux. »« Intéressante. On m'a quelquefois appliqué ce mot. Dites-moi la signification, je vous prie, » afin que je sache si le compliment est flatteur. Volontiers. Une personne est intéressante lorsque, comme vous, madame la comtesse, elle réunit des qualités contradictoires qui semblent devoir s'exclure. Un esprit grave et sérieux et une simplicité d'enfant. Une humeur frivole et un cœur courageux et ferme. Le caprice et la constance. Le caractère résolu d'un homme et la grâce d'une femme. « Quoi ? » demanda Faustine avec un étonnement naïf. Trouvez-vous réellement que j'ai toutes ces qualités ? Vous en avez 1000 autres que monsieur n'a point énumérées, dit Clément d'un ton sec. Felton, à son tour, le regarda en ouvrant de grands yeux. Il croyait avoir été exagéré dans ses éloges et n'imaginait pas comment il pouvait être dépassé en fait d'admiration. Faustine profita de ce moment. « Monsieur Felton, je vous présente un de mes amis, monsieur le baron Baldorf, frère du mari de ma sœur. Il est étranger dans la ville de Dresde, et si vous voulez bien le piloter pendant les premières semaines de son séjour... » Felton fit un profond salut à Clément, et il ouvrit la bouche pour lui prodiguer des offres de service. Mais celui-ci ne lui en laissa pas le temps. « Non, madame, non !» interrompit-il brusquement. « Je n'ai pas besoin d'être piloté par personne. »« Mais, monsieur Clément, » objecta la comtesse. « Je suis venu à Dresde uniquement pour vous voir, » poursuivit le jeune homme. « Et maintenant que je vous ai vu, vous vous en retournez à Oberwaldorf. Je rentre à mon hôtel pour me mettre au lit. C'est un parti fort sage. Demain, j'espère, vous vous réveillerez plus aimable et plus... » Elle retint le mot qui allait lui échapper. Clément la salua précipitamment et sortit sans même adresser un regard d'adieu à Felton, qui demeura tout étourdi du procédé. « Le frère de mon beau-frère a des façons étranges, » observa Faustine quand la porte du salon fut refermée. « Assez étrange, en effet, » répondit Felton. « C'est un bel homme. »« D'une taille un peu trop haute, pourtant. »« Mais non, » répliqua Faustine qui sourit à cette remarque jalouse. « Il a la taille d'un homme. » « Du moins, il ne paraît pas avoir reçu une bonne éducation. »« Il n'en a reçu aucune, ni bonne ni mauvaise. »« En sorte que si tout est à faire chez lui, rien n'est à défaire. » Obligez-moi, malgré sa brusquerie, de le traiter en ami. À condition que vous traiterez de même le comte de Mangan. Oh, le comte n'a pas besoin de moi. Il est répandu dans le plus grand monde. Les premiers salons de Dresde se le disputent. Il doit lui être très indifférent d'être admis dans le mien. Si vous saviez cependant avec quelle ardeur il le désire. Est-ce possible? Mais il ne me connaît pas. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Bon, il vous a vu 3 fois. 3 fois? « Oui, vraiment, mais à distance, et sans avoir eu jamais l'honneur de vous parler. »« Eh bien, s'il m'a vu, je conçois sa persistance, » s'écria éterdument la comtesse. « En effet, c'est la meilleure explication, » remarqua Felton, qui sourit de la franchise un peu singulière de cet aveu. « Oui, certes, » reprit Faustine avec vivacité, « cette explication qui vous fait rire est la meilleure, du moins pour moi. Je crois aux sympathies et aux antipathies. Je crois qu'en voyant une personne pour la première fois, on se sentirait vers elle ou repoussé. Une telle croyance se concilie très bien avec l'humilité de cœur. On peut la voir sans être vaine et présomptueuse, monsieur Felton. Oh, madame, dit Felton, pourriez-vous supposer que... Oui, oui, je suppose. Et ma supposition est juste. Vous m'accusiez intérieurement d'un mouvement d'orgueil. Allons, je vous pardonne, mais l'avenir... Ayez meilleure opinion des femmes, et faites-leur la grâce de penser qu'elles peuvent être vraies et sincères. Vraies et sincères, répliqua Felton, avec une animation dans le visage et dans la voix qui ne lui était pas ordinaire. Pour avoir une pareille opinion des femmes, il faudrait être un tout jeune homme, ne posséder aucune expérience, ou être aveuglé par l'amour. Il y en a une notamment, mais toutes sont un abîme de duplicité. En entendant Felton, le formaliste, le réservé Felton, s'exprimer avec cette énergie presque brutale, Faustine demeura stupéfaite. Qu'était-il donc arrivé pour qu'il sortît à ce point de son caractère et oubliât sa politesse accoutumée? Faustine cherchait une réponse, mais avant qu'elle l'eût trouvée, Felton se leva et prit congé avec tous les indices d'un trouble dont il ne pouvait se rendre maître. « Pauvre jeune homme, » se dit Faustine à elle-même, « il lui est probablement survenu quelque chose de fâcheux. Un nouvel obstacle à son mariage, peut-être. Tous ceux qui m'entourent ont leur part de soucis et de chagrins. On ne saurait prononcer un mot sans éveiller l'écho de quelque peine secrète. On ne saurait toucher la main d'un ami sans que la contagion de ce mal ne vous gagne. Moi seul, au milieu de ce cercle de misère et de douleur, où chacun s'agite, je vis tranquille et heureuse. Oh, Anastase, mon bien-aimé Anastase !» Le lendemain, Felton présenta Mario à la comtesse. Ils la trouvèrent dans son salon, en compagnie de Clément et du vieux comte de Kirchberg qui les avait devancés. Elle accueillit le comte de Mangan avec une amabilité parfaite. Celui-ci ne prit qu'une très faible part à la conversation, mais ses yeux ne la quittaient presque pas. Grâce à la présence du comte de Kirchberg, la conversation était très animée. Faustine était en verve d'esprit et de gaieté. Elle tenait tête au vieux comte et parlait de sa voix douce et harmonieuse, dont le diapason ne s'élevait jamais, qui flattait agréablement l'oreille attentive et dont on ne perdait pas une note. C'était comme le frais murmure du feuillage sous le souffle caressant de la brise. C'était comme le son lointain et affaibli d'une musique ravissante. Et pendant qu'elle parlait ainsi, Mario l'applaudissait d'un regard expressif, comme s'il eût trouvé en elle la réalisation d'une chose qu'il avait longtemps rêvée et que jusque-là, il avait cherché inutilement. Faustine subissait, sans le savoir, l'influence de ces regards que pourtant elle évitait, car elle les avait rencontrés déjà une fois, et elle en avait été toute troublée. Elle se sentait admirée, applaudie, elle avait la conscience de plaire. Elle ne s'expliquait pas pourquoi, mais ce muet hommage était pour elle une sorte de stimulant. Sa beauté brillait d'un plus vif éclat. L'animation de ses traits ajoutait à leur charme. Témoin silencieux, mais non pas indifférent, Clément Waldorf observait d'un œil inquiet et jaloux tout ce qui se passait. Quant à Feldhorn, sa préoccupation était manifeste, à peine laissait-il tomber quelques mots çà et là. Cependant, Mario se livrait à des réflexions de plus d'un genre que lui suggérait son habitude du grand monde. Vu de près, à la clarté un peu pâle d'un jour d'hiver, Faustine ne lui apparaissait pas aussi éblouissante que dans le salon de Madame von Eylau, ni aussi majestueuse et aussi imposante que sur la terrasse de Dresde. Mais l'espèce de familiarité intime avec laquelle elle les recevait lui donnait quelque chose de plus aimable. Ce n'était plus l'artiste qu'il avait devant les yeux, c'était la femme. Un air de simplicité élégante et de luxe plein de goût régnait sur elle et autour d'elle. Sa demeure annonçait non pas seulement une grande dame, mais encore une femme jeune, jolie, spirituelle et amie des beaux-arts. Le tapis moelleux dont le parquet était recouvert amortissait le bruit des pas. Des rideaux d'un rouge foncé qui garnissaient les fenêtres, retombant en plis somptueux, dérobaient à la vue l'aspect des toits voisins chargés de neige et augmentaient le confort de l'intérieur. Les rayons du soleil qui les traversaient en ce moment leur donnaient une teinte plus gaie. Le salon communiquait avec une autre chambre dont la porte était restée ouverte et dont l'ameublement et les tentures étaient à peu près les mêmes. Toutes les couleurs offraient entre elles une harmonie qui recréait les yeux et même l'esprit. Cette chambre était ornée d'un grand tableau représentant un Christ. C'était une excellente copie d'après le Titien qu'on admire dans la galerie de Dresde. Mario, après l'avoir regardé avec une attention de connaisseur, demanda la permission de l'examiner de plus près. « Cette copie est-elle de vous, madame la comtesse ?» dit Clément qui cherchait l'occasion de dire quelque chose. « Non, » répondit Faustine, « je ne puis m'astreindre à copier. Il faut que je travaille d'inspiration. Je m'occupe en ce moment d'un sujet analogue. Quand mon œuvre sera achevée, je le placerai en regard de ce Christ, mais ce sera un bien faible pendant à cette belle peinture. » Elle se leva, et suivie du comte de Kirchberg et de Feldhorn, elle passa dans la pièce où Mario était toujours en extase devant la copie du Titien. « C'est une toile magnifique !» s'écria Mario avec un enthousiasme bien senti. « N'est-ce pas ?» répliqua vivement la comtesse. « De toutes les peintures que renferme la galerie de Dresde, » poursuivit Mangan, « c'est ce tableau qui a produit sur moi le plus d'effet. Je n'ai vu nulle part une tête de Christ plus belle, plus noble, plus touchante, et qui répondit mieux à l'idée que je m'étais faite de l'homme-Dieu. « Je suis enchanté de vous entendre exprimer cet avis, » dit Faustine. « Ce tableau est l'objet de ma prédilection. Le guide, Carlo Dolce et Bellini, ont peint des têtes de Christ qui sont généralement admirées. Je donne la préférence à celle qu'a tracée le Titien. Elle est mieux dans mes idées. Jamais, ce me semble, le ciel et la terre, ces deux mondes si différents, n'ont été opposés l'un à l'autre et réunis dans un étroit espace avec plus de vérité et de simplicité. » « Le ciel et la terre sont-ils si voisins qu'on puisse les réunir dans un tableau ?» demanda Mangan. « Oui, comte, » répliqua Faustine. « Ce sont deux mondes limitrophes. Ils se touchent et se toucheront toujours, et pourtant il y a entre eux l'immensité. Voyez ce Christ et ce pharisien que le peintre a représenté sur le même plan, et mesurez, si vous pouvez, l'espace qui les sépare. « Je crois que je vous comprends, » dit Mario. « Ce qui unit le ciel et la terre, c'est le vice, et ce qui les sépare, c'est la vertu. » Sur la terre même, et parmi les hommes, il en est ainsi. Séparés entre eux par les différences de rang, d'éducation et d'idées, le vice les rapproche. Mais la vertu est le point réel de démarcation. La vertu unit, cependant. Oui, certes. Les cœurs faits pour sympathiser ensemble, les natures d'élite qu'échauffent un plus pur rayon de la divinité, et alors... Alors, achevez, madame. Alors la vertu s'appelle l'amour. » Ces dernières réflexions de la comtesse avaient causé à Felldorn un trouble qu'il ne pouvait cacher, soit qu'il l'ait cru dirigé à son adresse, soit qu'il s'en fit la secrète application. Il pâlit en les entendant et sortir presque aussitôt. Étonné de ce brusque départ, Faustine jeta un regard interrogateur sur le vieux comte Kirchberg, comme pour lui demander le mot de cette énigme. Le comte répondit par une grimace diplomatique et un clignement d'yeux, qui suppléait éloquemment, suivant lui, à ce que sa bouche ne disait pas. Faustine se tourna vers Mario. « Le mariage de Felldorn avec Mademoiselle von Stein est sur le point d'être rompu, » dit celui-ci. « Décidément, les deux jeunes gens ne se conviennent pas. Je m'en étais aperçu dès le premier jour. Felldorn, contre mon attente, prend la chance extrêmement à cœur. « On dit, » remarqua le comte de Kirchberg, « je vous arrête, » interrompit Faustine. « Vous allez vous faire l'écho de quelque grosse calomnie. « Comment ? » s'écria le vieux comte. « Mais vous ne savez pas... « Je sais que rien n'est menteur comme un « on dit ».« À la bonne heure. « Je désire même que dans cette occasion cela soit. « Mais enfin, on dit qu'une liaison de bas étage indigne de Mademoiselle von Stein est le principal obstacle à ce mariage. « C'est impossible, » proféra Faustine avec une énergie extraordinaire dans l'accent et dans le regard. « Je ne veux pas le croire, et vous, monsieur le comte, vous ne devez pas non plus y ajouter foi. « Cependant, comtesse, non, vous ne le devez pas, calomnier les femmes, mais au nom du ciel, respectez les jeunes filles. Une jeune fille innocente et pure, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la terre. C'est peut-être aussi ce qu'il y a de plus sacré. Songez que leur réputation est comme la neige nouvellement tombée, comme le bouton à peine éclos de l'arbuste. Y toucher, c'est flétrir l'un et souiller l'autre. Ah, ce monde méchant et corrompu n'est pas fait pour elles. Il serait à souhaiter qu'elles mourussent toutes avant leur 16e année. Voilà un souhait dont les jeunes femmes ne vous remercieraient pas, remarqua le comte de Kirchberg en riant. Eh, je ne parle pas des jeunes femmes, reprit Faustine, et encore, qui sait? Jeunes femmes et jeunes filles, il me semble qu'à peu de choses près, c'est toujours n'achevez pas. Avant de tenir compte des tristes expériences du cœur et de l'esprit, monsieur Clément, monsieur de Meyngen, ne pensez-vous pas comme moi? Ne voyez-vous pas la différence dont je parle? Clément ne trouva rien à répondre. Ces discussions, où il s'agissait des femmes en général, ne lui offraient aucun intérêt, à lui, qui n'était occupé que d'une seule. Mario, au contraire, était dans son élément. « Je crois apercevoir la différence que vous dites, » répondit-il. « La jeune fille est comme un ange, qui vient de tomber des cieux et qui appartient encore au ciel, où il retournerait volontiers. La jeune femme a déjà fait quelques pas sur la terre. La boue de notre monde a déjà éclaboussé ses blanches plumes de cygne. Elle a surmonté la répulsion qu'il lui inspirait d'abord. Elle s'est réconciliée avec lui, et maintenant elle l'aime, et voudrait ne plus le quitter. Désormais, c'est une créature terrestre, dont la mémoire ne garde de sa céleste patrie qu'une image à demi effacée. Plus ou moins effacée, s'il vous plaît, monsieur de Meyngen, ajouta le comte de Kirchberg, ce sera plus exact et plus galant. Diable, vos remarques physiologiques vont nous brouiller avec le beau sexe, il faut veiller à cela. « Le beau sexe saura gré à M. de Meyngen de la poésie de ses comparaisons, » reprit Faustine. « Pour moi, j'en admire la vérité. Du moins, elle rend parfaitement mon idée. »« Comparaison n'est pas raison, » dit enfin Clément d'un ton bourreux. « Toutes ces subtilités sont autant de jeux d'esprit qui ont l'inconvénient de ne rien prouver. À quoi bon nous perdre au-delà des nuages? Si nous consultons la pratique journalière de la vie et les annales de l'histoire, nous voyons que les femmes y jouent toujours un rôle extrêmement important. » Hélène a allumé l'incendie qui consuma Troie. Lucrèce a causé la chute des Tarquins. Virginie, celle des Décembires. Cléopâtre, la défaite et la mort d'Antoine. Une femme a introduit les morts ou Sarrasins en Espagne. Jeanne d'Arc a délivré la France des Anglais. Les Hébreux ont eu leur prophétesse. Rome et Sparte, leur matrone. La Gaule et la Germanie, leur druidesse. Les femmes ont tenu le sceptre. Témoins, Élisabeth d'Angleterre et les Catherine de Russie. Elles ont inspiré les poètes, témoins la Laure de Pétrarque et la Béatrice du Dante. Elles ont même brillé dans le domaine de la science, témoins la docte Hypatia, qui occupait une chaire de professeur à Alexandrie et qui, après avoir enseigné comme Socrate, comme lui, souffrit le martyr, quand ses ennemis, envieux de sa renommée et de son savoir, la firent condamner à mort. Je pourrais citer encore beaucoup de noms fameux. « Non, non, ne citez pas !» interrompit gaiement Faustine, tandis que le comte de Kirchberg et Mario se pinçaient les lèvres. « Cela suffit, et au-delà, pour que la cause des femmes soit gagnée. Honneur à vous, monsieur Clément, et à l'université d'Iéna, où l'on élève les jeunes gens dans d'aussi bons principes. Je déclare que la doctipatia m'a plu infiniment. Je n'ai pas l'honneur de connaître cette dame, ajouta le vieux comte avec un sérieux parfait, mais je me le reproche, après tout le bien que monsieur le baron de Waldorf vient de nous en dire. Clément regardait tour à tour Faustine et le diplomate, afin de lire dans leurs yeux si ses louanges n'étaient pas dérisoires. Il en avait le vague soupçon, mais il n'était pas assez versé dans les usages du monde pour comprendre le persiflage, et quoiqu'il eût grande envie de se fâcher, il ne l'osait point. Faustine reprit au bout d'un moment. « Monsieur Clément a savamment démontré que les femmes ont toujours et partout exercé une notoire influence. Je dis, moi, que cette influence est plutôt bonne que mauvaise. » « Je n'en sais rien, » répliqua Clément avec une vivacité irréfléchie. « Si vous me recommandiez de sauver une personne qui se noie et d'en jeter une autre à l'eau, j'obéirais avec un égal empressement. » À cette phrase significative, Faustine rougit et se troubla. Mais elle crut plus sage de tourner la chose en plaisanterie. « Dieu me préserve d'inspirer un tel excès de zèle, » s'écria-t-elle. « Je ne veux point d'une obéissance aussi aveugle, monsieur Clément, et je déclare devant ces messieurs que je décline toute responsabilité à cet égard. » Elle ne vous en reste pas moins. Elle ne vous en reste pas moins, murmura le jeune homme entre ses dents, de manière pourtant à n'être pas entendu. Mario et le comte de Kirchberg se taisaient. Tous deux, malgré leur habitude du monde, étaient assez embarrassés de leur contenance. Faustine était émue. Clément baissait les yeux avec confusion. Mario sentit qu'il était temps de terminer cette visite. Il se leva, et ses deux compagnons se levèrent à son exemple. Mais avant de sortir, il dit « J'ai su par Feldern que vous aviez peint de charmants paysages. J'espère ne pas être indiscret en vous priant de daigner me montrer ces arbres muets que vous préférez aux conversations des salons. » Faustine répondit « Monsieur Feldern a peut-être un peu trop vanté un talent d'amateur. Si vous revenez demain, je vous ferai voir que j'ai quelques raisons d'être modeste. »« Demain, oui, demain, » dit Mario en répétant les paroles de Faustine. Et il partit aussi heureux que Clément était malheureux. Faustine, cependant, ne pouvait s'empêcher de penser « Voilà un homme fort agréable. Pourquoi ne l'ai-je pas connu plus tôt ?»